Gambetta, je passe vers Gambetta. Reste tranquille, on va sortir le métal. Je rentre, je passe vers Gambetta. Je suis à la cité, toujours à la cité. Je vois les jeunes excités, la police insistait. Une nouvelle quoi, ils ont même mis des caméras pour nous pister. Le quartier faut quitter, monter max et quitter. J'ai guidé mon navire pour gérer mon avenir. Tu m'aimes pas, tu as qu'à me dire, tu m'en veux, tu as qu'à venir. Et nique ces bâtards de mes couilles qui jalousent, qui m'écoutent, qui feraient tout pour que mon bateau chavire. Traîner ou rapper un jour ou l'autre, il faut choisir. Tu veux sortir de la zère, ben fais de ton taf un loisir. Avec mes potes, on sont tellement ensemble qu'on sait même plus quoi se dire. C'est tous vu grandir, c'est tous vu galérer. Mode vie galère et on va épater la galerie. Ton MC il est trop gourmand, je vais lui faire perdre des calories. On sait ce que c'est souffrir, maintenant quand on a mal on rit. Je vis la mise en ballerine, ça m'a donné une belle rime. Je fume un gros pédou, mon rito chargé de rhum. Je me fais masser des heures dans la bedroom. Je tourne à clé la fée, fait le voisin dans le broom. Le quartier sombre dans la drogue, les clients se font en nombre. La pointe à mon ombre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toujours pareil ou à la conde. Ta grand-mère qui fait des bavettes en Y. Fais gaffe à ton petit cul, tu vois passer l'eau du break. Doule de best best ne jouera jamais les guests. Veste imperméable, bouca, il pleuvrait des balles sans prétexte. Et j'en vex plus d'un, mais c'est pas voulu putain. Fini l'époque où fut un temps on se foutait du butin. Je connais l'omerta, petit alors chutin. Les gens sont fous maintenant sans pitié ça te butin. J'ai pas de le boutin, de la vodka dans la bouteille. Wesh petit écoutin, tu peux changer sur un coup d'aile. Dans ce game on voit pas d'arbitre, mais quand on se prend des coups d'aile. Hein? Trop la rage des gros, le cran d'arrêt. Je baisse le game bro, à part quand j'ai une crampe j'arrête. Que je pense sérieux, quand j'y repense, je me dis que c'est rien. C'est rare, je me dis que d'avoir la paix, c'est rare. Fais le signe d'Oul, tu connais le mouvement. Je pense que tu me connais, mais je vais les baiser doucement. Tu vois la vie en rose et il te tombe le jugement. Tu te prends 4 ans et tu crois que la jugement. Et de qui suis-je moi? Au fond, je sais même pas combien je touche au mois. Je me rappelle à l'ancienne, on posait tout chez moi. Voulais réveiller un secteur, ennemi tout chez moi. Police, on n'est pas con, y'a pas tout chez nous. Tu veux du bon shit, viens toucher chez nous. Je suis là, j'écoute leurs textes doucement. La team Joule va les baiser doucement. Je viens juste péter mon joint et ils veulent tous moi. Ils croyaient pas que j'allais durer tout ce temps. Je rentre, je passe vers Gambetta. Reste tranquille, on va sortir le métal. Je suis là, j'écoute leurs textes doucement. La team Joule va les baiser doucement. Je viens juste péter mon joint et ils veulent tous moi. Ils croyaient pas que j'allais durer tout ce temps. Je rentre, je passe vers Gambetta. Il me tombe des gouttes sur le fond comme si j'avais vu les Smith. Il pleut, je suis dans ma caisse, je fume un dépôt de shit. Toi, ça fait longtemps que tu fais le maquet, tu mérites des gifs. On essaie de s'entraider, d'affronter les péripéties. Arrêtez vos salades, bande de con dans le rap, je me balade. Mets les gants, mets la mousse dans la lampe, prends le pipi, chez escalade. Tu m'aimes pas bête dans ce cas-là, reste avec tes gars-là qui jouent les grossis. Je suis sûr, ils savent même pas manier la cala. Cœur malade, plein de balade, je suis piqué par la mélodie. Pour mes frérots qui se font des bisous, tri en Cherokee. Que tu me dises qui t'a dit l'autre espèce de perroquet. S'il veut nous tester, dis-y qu'on est ok. I love bitume, ça ce n'est qu'une certitude. J'aime côtoyer la solitude, toujours dans le top turitume. Ghetto Bello. Phénomène, je me promène, demande à Mero, je deviens paro, après l'apéro, toi que tu m'appelles, qu'est-ce qu'il appelle, tête soit à telle, là on se légèle, du check, je me fais la belle, Uber m'amène à Tello, il demande à Seven, si on brûle, on est plus que Seven, on se met chiffon pour qu'on s'évade, c'est pas le voyou, gros, tu jeune et jeune. Je roule en Toyota, c'est la route à ton grand-père, je mets pas le Toyota. Qu'est-ce que t'affole pas, frangin, je vois pas pourquoi tu cries autant. J'ai les dents, ouh, j'suis dedans, ouh, j'ai les dents, ouh, j'suis dedans. J'ai galéré, j'ai pas erré dans ces endroits où les riches aiment s'aérer. C'est pas terrible dans la cité, y'avait même pas un centre aéré. Pas de rond quand t'es pas carré, sois content quand t'es pas carotte. Au quartier, ça braque, ça deal, tire, c'est qu'un sa carotte. Mais une frappe, j'fais la parade, tombé de la nuit, j'frite la barrette. C'est le halal au poteau, il a mis sa cravate. Moi j'ai pas eu mon brevet, maman me faisait des cris, j'voyais plus devant comme si les yeux on me les avait crevés. J'ai percé, j'suis refait, j'peux déguster la vie, la saveur de mes trophées. J'évite d'être mauvais, j'me dis qu'en premier c'est le cœur, y'a que ça qui peut te sauver. J'me dis qu'en premier c'est le cœur, y'a que ça qui peut te sauver. Là j'écoute leurs textes doucement. La team Joule va les baiser doucement. Je viens juste péter mon joint et ils veulent tous manque. Ils croyaient pas que j'allais durer tout ce temps. Je suis là, j'écoute leurs textes doucement. La team Joule va les baiser doucement. Je viens juste péter mon joint et ils veulent tous manque. Ils croyaient pas que j'allais durer tout ce temps. Je rentre, je passe vers Gambetta. Reste tranquille, on va sortir le métal. Je suis là, j'écoute leurs textes doucement. La team Joule va les baiser doucement. Je viens juste péter mon joint et ils veulent tous manque. Ils croyaient pas que j'allais durer tout ce temps. Je rentre, je passe vers Gambetta. Reste tranquille, on va sortir le métal. Ouais, c'est la rue, là où nous résidons. Je fais sortir tous mes détenus si demain je suis président. Crise au check, mec.